بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 71 بعد المئة 171 question. سؤال الشيخ رحمه الله تعالى يقول بعض الناس أوجد الله كذا فما مدى صحتها وما الفرق بينها وبين خلق الله كذا أو صوره الله أو صور الله كذا. Donc il est interrogé à propos de personnes qui diraient que Allah a fait trouver telle chose. On dira comme ça à peu près. Bien que le sens, en vrai, c'est créé. Mais bon. Est-ce qu'il s'agit d'une expression qui est valide? Et quelle est la différence entre le fait de dire que Allah a créé telle chose ou que Allah a façonné telle chose? Fajaba rahmanahu ta'ala awjada وخلق ليس بينهما فرق فلو قال أوجد الله كذا كانت بمعنى خلق الله كذا. Donc il a dit, le fait de dire أوجده qui vient du verbe وجده, à la base وجده ça veut dire trouver, d'accord, et là on a rajouté Hamza التعديه, on a rajouté Hamza qui est أوجده qui veut dire le fait de faire trouver. C'est comme si je disais par exemple جلس, ça veut dire asseoir, s'asseoir. Si je rajoute le Hamza qui s'appelle Hamzat al-Ta'diya, on dit ajlasa, c'est le fait de faire asseoir quelqu'un. C'est-à-dire un verbe qui n'a pas de maf'oul bihi, il devient qu'un maf'oul bihi. Ça, c'est parmi les règles de sorf. Comme ra'a qui veut dire voir, si je dis ara'a, ça veut dire faire voir. Voyez? Donc là, il demande le fait de dire aujada, le fait d'avoir fait trouver quelque chose. C'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas, et Allah lui donnait une présence. Donc cela revient à dire créer. Donc le shir dit qu'il n'y a pas de différence entre aujada et khalaqa. Ce sont les mêmes sens. Par contre, il dit amma sawwara fa takhtalifu li'anna at-taswir 'a'idun ila al-kayfiyya la ila al-ijad. Et donc le fait par contre de dire sawwara qui veut dire là façonner, donner forme, alors là c'est autre chose car tu donnes forme à une chose qui est déjà présente, contrairement à aujada qui est le fait de créer, de donner existence à une chose. D'accord? Rien n'empêche que lorsque tu donnes existence à cette chose, tu la façonnes. Mais on ne peut donner de forme à quelque chose si ce n'est une chose qui est déjà existante à la base. Donc c'est la différence entre sawwara et khalaqa. Khalaqa, c'est partir du néant et arriver à une présence. Là, on parle du khalq d'Allah azza wa jalla, pas celui de la créature. Celui de la créature, c'est un tahwil, c'est le fait de rendre une chose sous une autre forme. On peut appeler cela une création également. Mais ce n'est pas al-khalq al-mutlaq. Ce n'est pas la création absolue, ce qui revient à Allah Azza wa Jal. Non. Et pour preuve qu'on peut dire créateur à autre que Allah, comme encore le subhanah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. D'accord? Que Allah est le meilleur des créateurs. Ce qui prouve que le mot créateur peut être attribué à autre que Allah. Mais c'est une création qui, elle, qui est conditionnée, qui est en réalité, comme on expliquait, partir d'une matière pour la faire devenir sous une autre forme. Mais cette matière de base, est-ce que tu l'as créée? Tu n'as pas créé, c'est Allah qui l'a créée. Non. ثم قال في السؤال 72 بعد المئة 172e question. سؤال الشيخ رحمه الله تعالى عن عدي عبارات باسم الوطن باسم الشعب باسم العروبة فما صحة هذه العبارات. Donc il est interrogé quant au fait de dire au nom de la nation, au nom du peuple, au nom de l'arabité. Est-ce que ces expressions sont valides? فأجاب رحمه الله تعالى هذه العبارات إذا كان الإنسان يقصد بذلك أنه يعبر عن العرب أو يعبر عن أهل البلاد فلا بأس به. Donc il a dit, si quelqu'un emploie ces termes en visant par cela le fait de s'exprimer au nom des Arabes particulièrement, ou qui s'exprime au nom des gens d'un pays, des citoyens d'un pays, alors pas de mal. C'est-à-dire, c'est un discours tourné vers un sujet particulier. وَإِنْ قَصَدَ التَّبَرُّكْ وَالْاِسْتِعَانَ فَوَا نُوْعْ مِنَ الشِّرْكِ وَقَدْ يَكُنُ شِرْكًا أَكْبَرْ بِحَسْبَ مَا يَكُمُ بِفِقَلْ بِصَاحِبِهِ مِنَ التَّعْظِيمِ بِمَا اسْتَعَانَ بِهِ. Par contre, s'il cherche par cela la baraka, comme lorsqu'on dit bismillah, par exemple, ou qu'il cherche l'isti'ana, la recherche d'aide, alors cela est une forme de shirk. Et cela peut même être du shirk akbar en fonction de la glorification qu'on a pour cette chose. Donc quelqu'un qui, par exemple, parle à ses citoyens en disant au nom du peuple, je vous informe telle et telle chose, il n'y a pas de mal. Ou quelqu'un qui parle aux Arabes en particulier, et non pas aux musulmines, mais aux Arabes pour un fait particulier, il a le droit. D'accord? Maintenant, si tu parles au nom de l'islam, ah non. L'islam n'est pas représenté ou n'est pas limité à un pays ni à une ethnie. Là, c'est Ya Ibad Allah. Oh, ça veut dire Allah, par exemple. Non. Mais sans quoi, sur une chose qui est liée à la dunya ou quoi, une chose qui est liée à la politique, par exemple, ou autre, et que la personne s'exprime au nom de ce point-là, alors il peut le faire. De ce que je dis, de ce que dit l'auteur. Soumakala 173e question. سؤال الشيخ رحمه الله تعالى عن قول بعض الناس خسرت في الحج كذا وخسرت في العمرة كذا وخسرت في الجهاد كذا وكذا. Il a été interrogé à propos de gens qui disent, par exemple, j'ai perdu dans mon hajj tant d'argent, j'ai perdu dans mon umra tant d'argent, j'ai perdu dans le jihad tant d'argent. Comme un déficit. Donc il a répondu, rahimahullah ta'ala, هذه العبارات غير صحيحة. Que ces expressions, elles sont incorrectes. لِنَّ مَا بُذِلْ فِي طَعَةِ اللَّهِ فَلَيْسَ بِخَسَارَ بَلْ هُوَ الرِّبْحِ الْحَقِيقِ. Car il a dit tout ce qui était dépensé dans l'obéissance d'Allah, ce n'est aucune, il n'y a aucune perte en cela. Cela même, c'est le gain réel. إِنَّمَا الْخَسَارَ مَا صُرِفَ فِي مَعْصِيَةٍ أَوْ فِي مَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ. Il a dit la perte n'est que dans ce qui est dépensé dans la désobéissance ou dans ce qui n'apporte aucun profit. أَمَّا مَا فِيهِ فَائِدَةٌ دُنْيَوِيَّ أَوْ دِينِيَّ فَلَيْسَ فِيهِ خَسَارَةٌ وَلَيْسَ بِضَيَاعٍ. Quant à tout ce qui t'apporte un profit mondain ou même religieux, cela n'a aucun, il n'y a aucun déficit en cela et n'y a aucune perte. Même si tu vois, par exemple, tu as perdu à tes yeux beaucoup, auprès d'Allah, c'est compté comme beaucoup. Par exemple, des gens, ils ont fait leur hajj pour une certaine somme et toi, tu t'es fait escroquer par exemple, les accompagnateurs. Cet argent-là, ce n'est pas une perte. Déjà, tu récupéreras tes droits au Yawm al-Qiyama et en plus, tu l'as dépensé pourquoi? Pour le hajj. Et le péché est sur eux et que Allah te le rendra. Allah te le rendra d'une façon ou d'une autre, car ton intention c'est de faire une adoration. Kazalik, souvent dans la hijra, des gens ils disent j'ai fait la hijra et j'ai tout perdu. Kaza, t'as rien perdu. Si jamais t'avais une bonne niya, tu n'as rien perdu. Allah va te le rendre d'une façon ou d'une autre. Et si tu ne l'as pas dans cette dunya, Allah Azzawajal le sait pour toi pour le Yawm al-Qiyama. Naam. Et combien de versets le disent? Que ce que tu dépenses pour Allah, Allah te le rendra. Et que c'est que du khayr pour toi. Que ce soit en grande quantité ou en petite quantité, il n'y a rien qui est perdu. نعم فنقفنا اليوم والحمد لله رب العالمين